pour avancer, rien que d'un pas, de quelques centimètres devant soi. Évitez les pièges, les choses se trappent, tous ces trucs bizarres qui vous cassent les pattes, les trous, les ornières et les pièges jaloux, tout ce qui peut vous faire tomber à genoux. Pas de plus, pas de plus. De plus, encore un petit pas dans le coup du destin, rien qu'une enjambée au sens strict, un déplacement de membres très basique. Évitez les mines antipersonnelles, les culs de basse fosse, les gouffres intemporels, sautez par-dessus les mains d'osseur, pas se prendre les pieds dans le tapis oriental. Pas de plus, pas de plus, pas de plus, pas de plus. Pas de plus, encore un pas, le pied gauche juste avant le pied droit, dans la dynamique du mouvement. On balance le pied droit en avant, juste un pas.